et difficile à prononcer. Que te porte depuis que la ciné. Raconte-moi la vie et on dirait le trait de mes yeux bridés. Que dit ce muscle, moi, ce que tu n'oses dire. Je ne sais de toi que les images de l'arrêt. Un film de Coppola, des hélicoptères en colère. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, diras bonjour à ton âme. Un jour, j'irai là-bas. C'est dire bonjour, Vietnam. Bonjour à